Chapitre 13e. Le roi est si bon, la reine est si bonne. Maintenant que nos lecteurs nous permettent de les mettre au courant des principaux événements politiques qui s'étaient passés depuis l'époque où, dans notre dernière publication, nous avons abandonné la cour de France. Ceux qui connaissent l'histoire de cette époque, ou ceux que l'histoire pure et simple effraiera, peuvent passer ce chapitre. Le chapitre suivant s'emboîtant juste avec celui qui précède, et celui que nous hasardons ici n'étant qu'à l'usage des esprits exigeants qui veulent se rendre compte de tout. Depuis un an ou deux, quelque chose d'inouï, d'inconnu, quelque chose venant du passé et allant vers l'avenir, grondait dans l'air. C'était la Révolution. Voltaire s'était soulevé un instant dans son agonie et accoudé sur son lit de mort, il avait vu luire, jusque dans la nuit où il s'endormait, cette fulgurante aurore. C'est que la Révolution, comme le Christ, dont elle était la pensée, devait juger les vivants et les morts. Lorsque Anne d'Autriche arriva à la régence, dit le cardinal de Retz, il n'y eut qu'un mot dans toutes les bouches, la reine est si bonne. Un jour, le médecin de Madame de Pompadour, quesnois, qui logeait chez elle, voit entrer Louis XV. Un sentiment en dehors du respect le trouble à ce point qu'il tremble et pâlit. « Qu'avez-vous ? » lui demande Madame du Hausset. « J'ai, » répond quesnois, « qu'à chaque fois que je vois le roi, je me dis, voilà cependant un homme qui peut me faire couper la tête. »« Oh, il n'y a pas de danger, » répond Madame du Hausset, « le roi est si bon. » C'est avec ces deux phrases, « le roi est si bon, la reine est si bonne », qu'on a fait la Révolution française. Quand Louis XV mourut, la France respira. On était débarrassé, en même temps que du roi, des Pompadour, des Dubarry, du parc Auxerre. Les plaisirs de Louis XV coûtaient cher à la nation. Ils coûtaient seuls plus de 3 millions par an. Heureusement, on avait un roi, jeune, moral, philanthrope, presque philosophe. Un roi qui, comme l'Émile de Jean-Jacques, avait appris un état, ou plutôt trois états. Il était serrurier, horloger, mécanicien. Aussi, effrayé de l'abîme sur lequel il se penche, le roi commence-t-il par refuser toutes les faveurs qu'on lui demande. Les courtisans frémissent. Heureusement, une chose les rassure, c'est que ce n'est pas lui qui refuse, c'est Turgot. C'est que la reine n'est peut-être pas reine encore, et par conséquent ne peut avoir ce soir l'influence qu'elle aura demain. Enfin, vers 1777, elle acquiert cette influence tant attendue. La reine devient mère. Le roi, qui était déjà si bon roi, si bon époux, va pouvoir être bon père. Comment rien refuser maintenant à celle qui a donné un héritier à la couronne? Et puis ce n'est pas le tout. Le roi est encore bon frère. On connaît l'anecdote de Beaumarchais sacrifié au comte de Provence. Et encore, le roi n'aime-t-il pas le comte de Provence qui est un pédant? Mais en revanche, il aime fort monsieur le comte d'Artois, ce type d'esprit d'élégance et de noblesse française. Il l'aime tant que s'il refuse parfois à la reine ce que la reine demande, le comte d'Artois n'a qu'à se joindre à la reine et le roi n'a plus la force de refuser. Aussi est-ce le règne des hommes aimables. Monsieur de Calonne, un des hommes les plus aimables du monde, est contrôleur général. C'est lui qui dit à la reine « Madame, si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. » À partir du jour où cette charmante réponse circule dans les salons de Paris et de Versailles, le livre rouge, que l'on croyait fermé, s'est rouvert. La reine achète Saint-Cloud. Le roi achète Rambouillet. Ce n'est plus le roi qui a des favorites, c'est la reine. Mesdames Diane et Jules de Polignac coûtent aussi cher à la France que la Pompadour et la Dubarry. La reine est si bonne. On propose une économie sur les gros traitements. Quelques-uns prennent leur parti, mais un familier du château refuse obstinément de se laisser réduire. C'est monsieur de Coigny. Il rencontre le roi dans un corridor, lui fait une scène entre deux portes. Le roi se sauve et dit en riant le soir « En vérité, je crois que si je n'eusse cédé, Coigny m'eût battu. Le roi est si bon. » Puis, les destinées d'un royaume tiennent parfois à bien peu de choses, à l'éperon d'un page, par exemple. Louis XV meurt. Qui succédera à monsieur d'Aiguillon? Le roi Louis XVI est pour Machaut. Machaut, c'est un des ministres qui ont soutenu le trône déjà chancelant. Mesdames, c'est-à-dire les tantes du roi, sont pour monsieur de Maurepas, qui est si amusant et qui fait de si jolies chansons. Il en a fait à Pontchartrain 3 volumes, qu'il appelle ses mémoires. Tout ceci est une affaire de steeplechase. Qui arrivera le premier? Du roi et de la reine à Arnouville, ou de mesdames pour Chartrain. Le roi a le pouvoir entre les mains, les chances sont donc pour lui. Il se hâte d'écrire « Partez à l'instant même pour Paris, je vous attends ». Il glisse la dépêche dans une enveloppe et sur l'enveloppe il écrit « Monsieur le comte de Machaut à Arnouville ». Une page de la grande écurie est appelée, on lui remet le pli royal, on lui ordonne de partir à Franquetrier. Maintenant que le page est parti, le roi peut recevoir mesdames. Mesdames, les mêmes que leur père appelait, comme on l'a vu dans Balsamo, Locke, Schiff et Graille, trois noms éminemment aristocratiques, mesdames attendent à la porte opposée à celle par laquelle le page sort, que le page soit sorti. Une fois le page sorti, mesdames peuvent entrer. Elles entrent, supplient le roi en faveur de monsieur de Maurepas. Tout cela est une question de temps. Le roi ne veut pas refuser mesdames. Le roi est si bon. Il accordera quand le page sera assez loin pour qu'on ne rattrape pas le page. Il lutte contre mesdames, les yeux sur la pendule, une demi-heure lui suffit. La pendule ne le trompera point. C'est la pendule qui règle lui-même. Au bout de 20 minutes, il cède. Qu'on rattrape le page, dit-il, et tout sera dit. Mesdames s'élance, on montera un cheval, on crèvera un cheval, 2 chevaux, 10 chevaux, mais on rattrapera le page. C'est inutile, et l'on ne crèvera rien du tout. En descendant, le page accroche une marche et casse son éperon. Le moyen d'aller ventre à terre avec un seul éperon. D'ailleurs, le chevalier d'Abzac est chef de la grande écurie, et il ne laisserait pas monter un courrier à cheval, lui qui passe l'inspection des courriers, si ce courrier devait partir d'une manière qui ne fit pas honneur à l'écurie royale. Le page ne partira donc qu'avec les 2 éperons. Il en résulte qu'au lieu de rattraper le page sur la route d'Arnouville, courant à Franquetrier, on le rattrapera dans la cour du château. Il en résulte qu'au lieu de rattraper le page sur la route d'Arnouville, courant à Franquetrier, on le rattrapera dans la cour du château. Il est étincelle et prêt à partir dans une tenue irréprochable. On lui reprend le pli, on laisse le texte qui était aussi bon pour l'un que pour l'autre, seulement, au lieu d'écrire sur l'adresse « à Monsieur de Machaut à Arnouville », mesdames écrivent « à Monsieur le comte de Maurepas à Pontchartrain ». L'honneur de l'écurie royale est sauvé, mais la monarchie est perdue. Avec Maurepas et Calonne, tout va à merveille, l'un chante, l'autre paye. Puis après les courtisans, il y a encore les fermiers généraux, qui font bien aussi leur office. Louis XIV commença son règne par faire pendre 2 fermiers généraux sur l'habit de Colbert. Après quoi il prend Lavallière pour maîtresse et fait bâtir. Versailles. Lavallière ne lui coûtait rien. Mais Versailles, où il voulait la loger, lui coûtait cher. Puis, en 1685, sous prétexte qu'ils sont protestants, on chasse 1 million d'hommes industrieux de France. Aussi, en 1707, sous le roi encore, Boisguibert, dit-il en parlant de 1698, cela allait encore dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y avait encore de l'huile dans la lampe. Aujourd'hui, tout a pris fin faute de matière. Que dira-t-on 80 ans après, mon Dieu ? Quand les Dubarry, les Polignac auront passé sur tout cela, après avoir fait suer l'eau du peuple, on lui fera suer le sang, voilà tout. Et tout cela avec des formes si charmantes. Autrefois, les traitants étaient durs, brutaux et froids comme les portes des prisons dans lesquelles ils jetaient leurs victimes. Aujourd'hui, ce sont des philanthropes. D'une main, ils dépouillent le peuple, c'est vrai, mais de l'autre, ils lui bâtissent des hôpitaux. Un de mes amis, grand financier, m'assurait que sur 120 millions que rapportait la gabelle, les traitants gardaient 70 pour eux. Aussi, dans une réunion où on demandait les états de dépenses, un conseiller jouant sur le mot dit-il « Ce ne sont pas les états particuliers qu'il faudrait, ce sont les états généraux. » L'étincelle tomba sur la poudre s'enflamma et fit un incendie. Chacun répéta le mot du conseiller et les états généraux furent appelés un grand cri. La cour fixa l'ouverture des états généraux au 1er mai 1789. Le 24 août 1788, M. de Brienne se retira. C'en était encore un qui avait assez lestement mené les finances. Mais en se retirant, du moins, donna-t-il un assez bon avis. C'était de rappeler Necker. Necker entra au ministère et l'on respira de confiance. Cependant, la grande question des 3 ordres était débattue par toute la France. Sieyès publiait sa fameuse brochure sur le tiers. Le Dauphiné, dont les États se réunissaient malgré la cour, décidait que la représentation du tiers serait égale à celle de la noblesse et du clergé. On refit une assemblée des notables. Cette assemblée dura 32 jours, c'est-à-dire du 6 novembre au 8 décembre 1788. Cette fois, Dieu s'en mêlait. Quand le fouet des rois ne suffit pas, le fouet de Dieu siffle à son tour dans l'air et fait marcher les peuples. L'hiver vint accompagné de la famine. La faim et le froid ouvrirent les portes de l'année 1789. Paris fut rempli de troupes, les rues de patrouilles. Deux ou trois fois, les armes furent chargées devant la foule qui mourait de faim. Puis, les armes chargées, lorsqu'il fallut s'en servir, on ne s'en servit point. Un matin, le 26 avril, 5 jours avant l'ouverture des états généraux, un nom circule dans cette foule. Ce nom est accompagné de malédictions d'autant plus lourdes que ce nom est celui d'un ouvrier enrichi. Réveillon, à ce qu'on assure, Réveillon, le directeur de la fameuse fabrique de papier du faubourg Saint-Antoine, Réveillon a dit qu'il fallait abaisser à 15 sous les journées des ouvriers. Ceci, c'était la vérité. La cour, ajoutait-on, allait le décorer du cordon noir, c'est-à-dire de l'ordre de Saint-Michel. Ceci, c'était l'absurdité. Il y a toujours quelques bruits absurdes dans les émeutes, et il est remarquable que c'est surtout par ce bruit-là qu'elles se recrutent, qu'elles s'augmentent, qu'elles se font révolution. La foule fait un mannequin, le baptise Réveillon, le décor du cordon noir, vient l'allumer devant la porte de Réveillon lui-même, et va achever de le brûler sur la place de l'hôtel de ville aux yeux des autorités municipales qui le regardent brûler. L'impunité enhardit la foule qui prévient que le lendemain, après avoir fait justice de Réveillon en effigie, elle en ferait justice en réalité. C'était un cartel dans toutes les règles adressées au pouvoir. Le pouvoir envoya 30 gardes françaises. Encore, ce ne fut pas le pouvoir qui les envoya, ce fut le colonel, M. de Biron. Ces 30 gardes françaises furent les témoins de ce grand duel qu'ils ne pouvaient empêcher. Ils regardèrent piller la fabrique, jeter les meubles par la fenêtre, briser tout, brûler tout. Au milieu de ces bagarres, 500 louis en or furent volés. On but le vin des caves, et quand on n'eut plus de vin, on but les couleurs de la fabrique que l'on prenait pour du vin. Toute la journée du 27 fut occupée par cette vilenie. On envoya au secours des 30 hommes quelques compagnies de gardes françaises qui d'abord tirèrent à poudre, puis à balle. Aux gardes françaises vinrent se joindre, vers le soir, les Suisses de M. de Bézenval. Les Suisses ne plaisantent pas en matière de révolution. Les Suisses oublièrent les balles dans leurs cartouches, et comme les Suisses sont naturellement chasseurs et bons chasseurs, une 20aine de pillards restèrent sur le carreau. Quelques-uns avaient sur eux leur part des 500 louis dont nous avons parlé, et qui, du secrétaire de Réveillon, passèrent dans la poche des pillards et de la poche des pillards dans celle des Suisses. Bézenval avait tout fait, tout pris sous son chapeau, comme on dit. Le roi ne le remercia ni ne le blâma. Or, quand le roi ne remercie pas, le roi blâme. Le Parlement ouvrit une enquête. Le roi la ferma. Le roi était si bon. Qui avait mis ainsi le feu au peuple? Personne ne put le dire. N'a-t-on pas vu parfois, dans les grandes chaleurs de l'été, des incendies s'allumer sans cause? On accusa le duc d'Orléans. L'accusation était absurde, elle tomba. Le 29, Paris était parfaitement tranquille, ou du moins paraissait l'être. Le 4 mai arriva. Le roi et la reine se rendirent avec toute la cour à Notre-Dame pour entendre le Veni Creator. On cria beaucoup « Vive le roi !» et surtout « Vive la reine !» La reine était si bonne. Ce fut le dernier jour de paix. Le lendemain, on criait un peu moins « Vive la reine !» et on criait un peu plus « Vive le duc d'Orléans !» Ce cri la blessa fort, pauvre femme, elle qui détestait le duc, au point de dire que c'était un lâche. Comme s'il n'y avait jamais eu un lâche dans les d'Orléans depuis monsieur qui gagna la bataille de Cassel jusqu'au duc de Chartres, qui contribua à gagner celle de Jemappes et de Valmy. Tant il y a, disons-nous, que la pauvre femme faillit s'évanouir. On la soutint comme sa tête penchait. Madame Campan raconte la chose dans ses mémoires. Mais cette tête penchée se releva hautaine et dédaigneuse. Ceux qui virent l'expression de cette tête furent guéris à tout jamais de dire « La reine est si bonne ». Il existe 3 portraits de la reine, l'un peint en 1776, l'autre en 1794 et l'autre en 1788. Je les ai vus tous 3. Voyez-les à votre tour. Si jamais ces 3 portraits sont réunis dans une seule galerie, on lira l'histoire de Marie-Antoinette dans ses trois portraits. Cette réunion des trois ordres, qui devait être un embrassement, fut une déclaration de guerre. « Trois ordres ?» dit Sieyès. « Non, trois nations !» Le 3 mai, la veille de la messe du Saint-Esprit, le roi reçut les députés à Versailles. Quelques-uns lui conseillent de substituer la cordialité à l'étiquette. Le roi ne voulut entendre à rien. Il reçut le clergé d'abord, la noblesse ensuite, enfin le tiers. Le tiers avait attendu longtemps. Le tiers murmura. Dans les anciennes assemblées, le tiers haranguait à genoux. Il n'y avait pas moyen de faire agenouiller le président du tiers. On décida que le tiers ne prononcerait pas de harangue. À la séance du 5, le roi se couvrit. La noblesse se couvrit. Le tiers voulut se couvrir, mais le roi se découvrit alors. Alors il aima mieux tenir son chapeau à la main que de voir le tiers couvert devant lui. Le mercredi 10 juin, Sieyès entra dans l'assemblée. Il la vit presque entièrement composée du tiers. Le clergé et la noblesse assemblaient ailleurs. « Coupons le câble, » dit Sieyès, « il est temps. » Et Sieyès propose de sommer le clergé et la noblesse de comparaître dans une heure pour tout délai. Faute de comparution, il sera donné défaut contre les absents. Une armée allemande et suisse entourait Versailles. Une batterie de canons était braquée sur l'assemblée. Sieyès ne vit rien de tout cela. Il vit le peuple qui avait faim. « Mais le tiers, » dit-on à Sieyès, « ne peut former à lui seul les états généraux. »« Tant mieux, » répondait Sieyès, « il formera l'Assemblée nationale. » Les absents ne se présentant point, la proposition de Sieyès est adoptée. Le tiers s'appelle l'Assemblée nationale à la majorité de 400 voix. Le 19 juin, le roi ordonne que la salle où se réunit l'Assemblée nationale sera fermée. Mais le roi, pour accomplir un pareil coup d'État, a besoin d'un prétexte. La salle est fermée pour y faire les préparatifs d'une séance royale qui doit avoir lieu le lundi. Le 20 juin, à 7h du matin, le président de l'Assemblée nationale apprend qu'on ne se réunira pas ce jour-là. À 8h, il se rend à la porte de la salle avec grand nombre de députés. Les portes sont fermées et des sentinelles gardent les portes. La pluie tombe. On veut enfoncer les portes. Les sentinelles ont la consigne et croisent les baïonnettes. L'un propose de se réunir à la place d'armes, l'autre à Marly. Guillotin propose le jeu de pommes. Guillotin! L'étrange chose que ce soit Guillotin, dont le nom, en ajoutant un E à ce nom, sera si célèbre 4 ans plus tard. Quelle chose étrange que ce soit Guillotin qui propose le jeu de pommes. Ce jeu de pommes, nu, délabré, ouvert aux 4 vents. C'est la crèche de la sœur du Christ. C'est le berceau de la Révolution. Seulement, le Christ était fils d'une femme vierge. La Révolution était fille d'une nation violée. À cette grande démonstration, le roi répond par le mot royal « veto ». Monsieur de Brézé est envoyé aux rebelles pour leur ordonner de se disperser. « Nous sommes ici par la volonté du peuple, » dit Mirabeau, « et nous n'en sortirons que la baïonnette dans le ventre. » Et non pas, comme on l'a dit, que par la force des baïonnettes. Pourquoi ? Y a-t-il donc toujours derrière un grand homme un petit rhéteur qui gâte les mots sous prétexte de les arranger? Pourquoi ce rhéteur était-il derrière Mirabeau au jeu de pommes? Derrière Cambronne à Waterloo. On alla rapporter la réponse au roi. Il se promena quelque temps de l'air d'un homme ennuyé. « Ils ne veulent pas s'en aller, » dit-il. « Non, sire. Eh bien alors qu'on les laisse. » Comme on le voit, la royauté pliait déjà sous la main du peuple et pliait bien bas. Du 23 juin au 12 juillet, tout sembla assez tranquille, mais tranquille de cette tranquillité lourde et étouffante qui précède l'orage. C'était le mauvais rêve d'un mauvais sommeil. Le 11, le roi prend un parti poussé par la reine, le comte d'Artois, les Polignac, toute la camarilla de Versailles. Enfin, il renvoie Necker. Le 12, la nouvelle parvint à Paris. On a vu l'effet qu'elle avait produit. Le 13 au soir, Billot arrivait pour voir brûler les barrières. Le 13 au soir, Paris se défendait. Le 14 au matin, Paris était prêt à attaquer. Le 14 au matin, Billot criait « À la Bastille !» Et 3000 hommes, après Billot, répétaient le même cri qu'allait devenir celui de toute la population parisienne. C'est qu'il existait un monument qui, depuis près de 5 siècles, pesait à la poitrine de France comme le rocher infernal aux épaules de Sisyphe. Seulement, moins confiante que le titan dans ses forces, la France n'avait jamais essayé de le soulever. Ce monument, cachet de la féodalité imprimé sur le front de Paris, c'était la Bastille. Le roi était trop bon, comme disait Madame du Hausset, pour faire couper une tête. Mais le roi mettait la Bastille. Une fois qu'on était à la Bastille, par ordre du roi, un homme était oublié, séquestré, enterré, anéanti. Il restait jusqu'à ce que le roi se souvînt de lui. Et les rois ont tant de choses nouvelles auxquelles il faut qu'ils pensent, qu'ils oublient souvent de penser aux vieilles choses. D'ailleurs, il n'y avait pas en France qu'une seule Bastille. Il y avait 20 Bastilles, que l'on appelait le Fort l'Évêque, Saint-Lazare, le Châtelet, la Conciergerie, Vincennes, le Château de la Roche, le Château d'If, les îles Sainte-Marguerite, Pignerol, etc. Seulement la forteresse de la Porte-Saint-Antoine s'appelait la Bastille, comme Rome s'appelait la ville. C'était la Bastille par excellence, elle valait à elle seule toutes les autres. Pendant près d'un siècle, le gouvernement de la Bastille était demeuré dans une seule et même famille. L'aïeul de ses élus fut M. de Châteauneuf, son fils Lavrillière lui succéda. Enfin, à son fils Lavrillière succéda son petit-fils Saint-Florentin. La dynastie s'était éteinte en 1777. Pendant ce triple règne, qui s'écoula en grande partie sous le règne de Louis XV, nul ne peut dire la quantité de lettres de cachet qui furent signées. Saint-Florentin en signa lui seul plus de 50 000. C'était un grand revenu que les lettres de cachet. On en vendait aux pères qui voulaient se débarrasser de leurs fils. On en vendait aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris. Plus les femmes étaient jolies, moins les lettres de cachet coûtaient cher. C'était alors entre elles et le ministre un échange de bons procédés, voilà tout. Depuis la fin du règne de Louis XIV, toutes les prisons d'État et surtout la Bastille étaient aux mains des jésuites. On se rappelle les principaux parmi les prisonniers, le masque de fer, Lauzun, Latude. Les jésuites étaient confesseurs. Ils confessaient les prisonniers pour plus grande sûreté. Pour plus grande sûreté encore, les prisonniers morts étaient enterrés sous de faux noms. Le masque de fer, on se le rappelle, fut enterré sous le nom de Marchiali. Il était resté 45 ans en prison. Lauzun y resta 14 ans. Latude, 30 ans. Mais au moins le masque de fer et Lauzun avaient commis de grands crimes, eux. Le masque de fer, frère ou non de Louis XIV, ressemblait à Louis XIV de façon à s'y tromper. C'est bien imprudent que d'oser ressembler à un roi. Lauzun avait failli épouser ou même avait épousé la grande mademoiselle. C'est bien imprudent d'oser épouser la nièce du roi Louis XIII, la petite-fille du roi Henri IV. Mais Latude, pauvre diable, qu'avait-il fait? Il avait osé devenir amoureux de mademoiselle Poisson, dame de Pompadour, maîtresse du roi. Il lui avait écrit un billet. Ce billet, qu'une honnête femme eut renvoyé à celui qui l'avait écrit, est renvoyé par Madame de Pompadour à M. de Sartine. Et Latude, arrêté, fugitif, pris et repris, reste 30 ans sous les verrous de la Bastille, de Vincennes et de Bicêtre. Ce n'était donc pas pour rien que la Bastille était haïe. Le peuple la haïssait comme une chose vivante. Il en avait fait une de ces tarasques gigantesques, une de ces bêtes du Gévaudan qui dévorent impitoyablement les hommes. Aussi l'on comprend la douleur du pauvre Sébastien Gilbert lorsqu'il sut que son père était à la Bastille. Aussi l'on comprend cette conviction de Billot que le docteur ne sortirait plus de prison si l'on ne le retirait de force. Aussi l'on comprit l'élan frénétique du peuple lorsque Billot cria « À la Bastille !» Seulement c'était une chose insensée, comme l'avaient dit les soldats, que cette idée que l'on pouvait prendre dans la Bastille. La Bastille avait des vivres, une garnison, de l'artillerie. La Bastille avait des murs de 15 pieds à son faîte, de 40 pieds à sa base. La Bastille avait un gouverneur qu'on appelait M. de Launay, qui avait fait mettre 30 milliers de poudre dans ses caves et qui avait promis, en cas de coup de main, de faire sauter la Bastille et avec elle la moitié du faubourg Saint-Antoine.